Chapitre 8e. Don Blas regarde Jean de Fer avec un effarement qui serait du plus haut comique en tout autre moment. L'assurance du jeune homme le stupéfie. Il voudrait douter encore. Mais Jean lui offre cette preuve qui confond à la fois son orgueil et sa raison. Il l'attend, sans mot dire, pendant qu'un cri de joie échappe aux témoins de cette scène impressionnante. Juana s'approche de lui et murmure doucement. « Jean, nous croyons en vous. Jean, mon ami, délivrez-nous. » Il sourit, s'incline et répond. « Qu'il soit fait selon votre désir, señorita. Voyez. » Il retire la torche qui flamboie toujours entre les griffes du caïman sculpté sur la dalle, et de sa main libre, il appuie vigoureusement sur l'image de granit. Lentement, le bloc monumental s'enfonce dans le sol avec un rauque froissement de pierre. Un peu d'eau suinte alentour, et le même froissement se fait entendre à l'autre extrémité de la crypte. Ô surprise ! À mesure que descend ce bloc, on voit là-bas, dans la pénombre, l'autel monter peu à peu. Sa base est un monolithe soigneusement poli, qui émerge à frottement d'eau d'une cavité souterraine, avec ce léger suintement de liquide accompagnant l'enfoncement de la dalle. Un nouveau cri jaillit de toutes les bouches. « Ne vous étonnez pas !» dit Jean de sa voix tranquille. « C'est un appareil hydraulique fort bien conçu et admirablement exécuté. Une merveille de précision et de simplicité, qui a résisté au siècle écoulé. « Je me rends !» bégaye Don Blas, d'une voix étranglée. « Oui, je me rends à l'évidence, et vous êtes un fier homme. Mais comment avez-vous trouvé cela ? À mon premier voyage tout à l'heure en cherchant cette entrée, car nous connaissons l'autre, n'est-ce pas, Joey ? À présent, veuillez me suivre. Voici la salle du trésor. » Il pénètre dans la seconde partie du souterrain, et pour la troisième fois depuis la conquête, des regards humains contemplent ce fabuleux amas de richesses. En dépit des tortures éprouvées, malgré la mort qui les menace, malgré l'angoisse qui étreint ces malheureux emmurés à 80 mètres de profondeur, ils éprouvent une sorte de vertige devant ce spectacle magique. Tous se précipitent vers les caisses, voulant voir de tout près ce prodigieux entassement de métal, étreindre dans leurs doigts crispés ces pépites, plonger leurs mains fiévreuses au milieu des gemmes qui flamboient. Oh, cette griserie de l'or, qui affole pour un instant les meilleurs, les plus nobles et les plus désintéressés. Don Blas, qui a le plus douté, est certainement le plus bouleversé. Pour cet homme orgueilleux jusqu'à la démence, pour cet Espagnol arrogant en qui se sont perpétués les préjugés et les dédains séculaires des conquérants, c'est l'écroulement de tout un monde. Il regarde, maintenant apitoyé, Flore, Mamita et Joey, les humbles descendants de ces martyrs qui furent si grands et si malheureux, et s'écrie « C'était donc vrai, mon Dieu !» C'était donc vrai que nous fûmes des bourreaux. » Une exclamation de Mamita le fait sursauter. L'Indienne s'est vite ressaisie. Elle songe que son maître, le père de Jean, son petit Tonio, a payé autrefois de sa vie la découverte du trésor. Elle se rappelle cette dernière et funèbre confidence du moribond et se demande anxieusement si elle n'a rien oublié. Sa mémoire de primitive a-t-elle bien été fidèle? Alors elle regarde de tous côtés, comme si un lointain souvenir éclairait peu à peu les ténèbres du passé. Oui, quelques paroles inintelligibles du capitaine Valdès, des syllabes entrecoupées par les dernières râles. L'Indienne passe ses mains sur son front qui se mouille de sueur et un cri lui échappe. « Ah, Seigneur Dieu ! » Il a dit « le coffret, là-bas, là-bas, plus précieux, les pierreries !» Elle arrache des mains de Jean la torche et court, affolée, vers la caisse renfermant les gemmes. Elle se baisse, éclaire le dessous de la caisse posée sur 4 pieds et retire un objet carré couvert de rouille. « Ce coffret, le voilà » dit-elle d'une voix éclatante. « Ouvre-le, mon enfant, il vaut mieux pour toi que cette fortune. » Jean interdit saisit le coffret. Il est fermé à clé. Avec son poignard, le jeune homme fait sauter le couvercle. Des papiers le remplissent, les uns sous enveloppe et attachés avec un mince cordonnet. Probablement des lettres, les autres simplement pliées et superposées. Mamita, dont les yeux luisent comme des diamants noirs, s'approche avec la lumière. Jean, pour avoir les mains libres, dépose le coffret sur un monceau de pierreries. Puis il prend un papier, le dépli d'une main tremblante et le parcours du regard. Un cri, un rugissement jaillit de sa poitrine. Son visage devient d'une pâleur effrayante. Il voudrait parler, et les mots s'arrêtent dans sa gorge. Il contemple Juana longuement, passionnément, avec une indicible expression d'amour et d'orgueil, et s'écrie « Juana, chère Juana, oh, si vous saviez !»« Parlez, mon ami. »« Parlez ?» répond l'adorable fiancé, le cœur battant, le visage extasié. Jean continue d'une voix qui s'affermit. « Et vous, Don Blas Guerrero, écoutez. » L'heure de la justice a enfin sonné. Heure trop tardive, hélas, pour le juste, qui subit l'opprobre d'un crime dont il fut innocent, pour le martyr qui succomba sous le poids d'une monstrueuse injustice. Tous le regardent, ne comprenant rien à son exaltation, sentant qu'il va se passer quelque chose de grand et d'impressionnant. Jean reprend, d'un ton d'autorité. Don Blas, je vous ai crié jadis l'innocence de mon père, aujourd'hui je vous la prouve. Et toi, petite mère, sois bénie, comme l'autre, la sainte, qui me donna la vie, car tu me donnes en ce moment l'honneur. Et vous, écoutez ce témoignage peu suspect d'ennemis loyaux et généreux. Les sous-signés donnent leur parole d'honneur que le capitaine français Antoine Valdès n'a jamais eu, ni directement, ni indirectement, la moindre relation avec l'état-major général et qu'il est étranger à la trahison qui livra l'empereur Maximilien. Signé Campana, Galado, Diaz, Rubio, officier de l'état-major des troupes de la République. « je les connais !» râle Don Blas d'une voix étranglée. « Nul au monde ne pourrait douter d'eux !» « Écoutez, Don Blas, écoutez !»« Je sous-signé, général au service de la République du Mexique, ancien commandant des forces nationales devant Querétaro, atteste et certifie sur l'honneur que le capitaine français Antoine Valdès fut absolument étranger à l'acte de félonie qui nous livra l'empereur Maximilien Ier. Signé Escobedo. » Après cela, je n'ai plus rien à dire, balbutie la Sendero écrasée. Écoutez toujours, Don Blas. J'affirme sur l'honneur que le capitaine Valdès n'est pas l'homme qui nous livra pour de l'argent Maximilien d'Autriche, le président de la République, Juarez. Don Blas continue de sa voix atone. Escobaldo, le soldat loyal, sans peur et sans reproche, Juarez lui-même, l'homme impitoyable au cœur de granit, Juarez, le patriote sanglant atteste. Il est superflu de vous dire que toutes ces signatures sont certifiées conformes et revêtues des cachets des autorités civiles et militaires. Je vous prie d'en prendre connaissance et de les vérifier. Inutile, Jean, répond avec dignité Don Blas, dont l'œil dur est obscurci par une larme rebelle. Il le faut, car nul doute ne doit persister dans votre esprit. L'honneur de mon nom est trop précieux pour que votre conviction ne soit pas absolue. Oui, mon ami, mais plus tard. Laissez-moi tout entier à la joie de reconnaître mon erreur, de faire ici amende honorable et de demander, oui, de demander pardon à la mémoire de votre père. Vous avez fait taire votre juste ressentiment. Vous nous avez accablés de vos bienfaits, Jean, ou plutôt Antonio Valdès. Vous êtes un grand cœur. Vous êtes digne du nom que vous portez si noblement. » À ces mots, prononcés avec une incomparable dignité, la Sendero tend ses deux mains à Jean qui les serre à les briser et répond « Seigneur Don Blas, le crime de trahison est le plus infâme de tous. Malheureusement, votre juste mépris, celui des gens de cœur, s'égara sur un innocent. Votre loyauté fut surprise. Il y eut une erreur de personne, et cette affreuse erreur empoisonna la vie d'injuste. Ce fut une fatalité. Oui, mon ami, une fatalité, car la réprobation s'adressait au crime et visait le vrai coupable. Certes, il est cruel de croire au mal, mais toutes les apparences étaient contre l'innocent. Ce coupable sera recherché et son forfait sera puni. » Tout cela se passe en quelques moments rapides et poignants sous la lueur de la torche. Remués jusqu'au fond de l'âme, les spectateurs de cette scène attendrissante gardent un silence profond. chacun voudrait crier à Jean les pensées de sympathie et d'admiration qui font battre tous les cœurs. Mamita contemple, extasiée, son fils d'adoption. Elle écoute, ravie, les paroles de Don Blas, et son regard se porte involontairement sur Harry Jones, dont le front se plisse, dont le visage s'altère. Ah, comme dans ce moment solennel et si tardif, hélas, d'éclatante réparation, on oublie Andrés, le génie du mal, ses desperados et leurs embûches. Oui, on oublie les périls mortels de leur présente. La fuite est perdue, et jusqu'au trésor étalé dans leur pêle-mêle opulent. Mais les événements se pressent, et se succèdent imprévus, déconcertants. Après les attestations des officiers et du président, Jean tire du coffret un autre papier. Il le déplie d'une main tremblante et le parcourt vivement des yeux. Il pousse un cri étouffé, puis murmure douloureusement « Oh mon Dieu, c'était donc vrai ?»« Qu'y a-t-il, Jean ?» demanda la Sendero, d'abord étonné, puis inquiet. « Lisez, mon ami, lisez !»« Oui, lisez !» répète comme un écho docile Juana et sa mère. « Je n'en ai pas le courage. » En ce moment de bonheur vraiment surhumain. « Il le faut !» s'écrie avec autorité Mamita. « Pour que la vérité soit connue, toute la vérité !»« Nous avons tous trop souffert injustement !»« Je ne peux pas, je ne peux pas !»« Donnez !» reprend Don Blas, qui ne comprend plus. Jean lui remet le terrible papier en disant tristement « Vous l'aurez voulu !» Don Blas lit à haute voix dans le grand silence qu'a réellement quelque chose de tragique. Pour mon fils, mon petit Antonio. Devant Dieu, sur l'honneur et sur ta tête chérie, mon enfant, je jure que je suis innocent du crime dont l'opprobre a empoisonné ma vie. Je jure que le traître qui vendit à l'ennemi notre bon maître l'empereur Maximilien fut le compagnon d'armes, l'intime ami dont tu vas apprendre le nom. En voici les preuves. D'abord, les attestations des chefs de l'armée qui ont reconnu bien tardivement mon innocence et la proclament. Ce sont là tes lettres de noblesse, mon enfant. Conserve-les comme ton bien le plus précieux quand je ne serai plus là. Il y a ensuite la correspondance où ce misérable marchandait avec l'ennemi le prix du sang. Elle est tout entière de sa main, à 2 jours d'intervalle, et raconte l'histoire véridique de cette abominable négociation. Elle dévoile l'état d'esprit du traître qui expose avec l'inconscience d'un bandit ses prétentions. Les discute, les fait valoir, marchande âprement, et conclut le pacte d'un homme d'affaires cupide et avisé. Les demandes font pressentir les réponses, et en les voyant s'espacer ainsi de jour en jour, on sent des deux côtés la hâte d'en finir. Enfin, tout est prêt. On est d'accord. L'officier Félon et son digne associé, le colonel Lopez, recevront le premier 1511 d'or, le second 2000. La sixième lettre en fait foi. Elle est adressée au général Escobedo, et par hasard vraiment providentiel, se trouve contresigné de ce même colonel Lopez le complice. Prends cette lettre, mon enfant, et lis toi-même. Tu verras ces 2 lignes ajoutées par Lopez avec sa griffe et le cachet de l'état-major général de Querétaro. Mais, soit aberration, soit bravade, soit oubli, Lopez donna son véritable nom au bandit qui me volait le mien et écrivit « Je certifie comme exactement conforme à mes intentions et à mes exigences cette lettre du capitaine Mike. » Un cri, un hurlement de bête blessée à mort jaillit de la gorge de Harry Jones. « Mon père, c'était mon père !»« Femme, votre mémoire fut implacable, comme aussi votre haine. »« Je n'ai pas de haine, » répond avec dignité Mamita. « Surtout en ce jour où la vérité est proclamée, l'innocence reconnue. » Pâle, hagard, se soutenant à peine, Harry ajoute d'une voix hachée de sanglots. « Ma piété filiale est anéantie. Mon honneur est brisé, ma vie est perdue. »« Mais enfin, qu'y a-t-il ? » s'écrie Don Blas interdit. « Je ne vous comprends pas, Harry. Voyons. Que vient faire ici votre père, mon ami ?»« Ah, votre ami !» interrompt le malheureux avec un rire affreux qui confine à la démence. « Mon père !» Avant d'être roi du coton, colonel de l'armée fédérale, servi au Mexique dans les troupes de Maximilien, le capitaine Mike, c'est l'abréviation américaine de Michael, et mon père, c'est l'honorable Michael Jones. Présent, Comprenez-vous? Je suis fils de traître, fils de milliardaire. La fortune paternelle, c'est l'or infâme, le prix du sang de l'empereur assassiné. Je me juge comme vous jugez Jean de Fer, le pauvre Antonio Valdès. Comme vous, seigneur Don Blas, je serai impitoyable et je me condamne. Mieux vaut la mort qu'une vie à jamais vouée à l'infamie. Arrivé au comble de l'exaltation et du désespoir, voyant tout crouler autour de lui, le malheureux jeune homme tire son revolver de sa ceinture et l'applique sur son cœur. L'irréparable va s'accomplir. Jean prévient le geste mortel. Prompt comme la pensée, il saisit le poignet de Harry, l'écrase, le tord sous une étreinte formidable. Le revolver tombe au moment où le coup allait partir. Doña Laura, Juana, Flore, Joé, Don Blas poussent un cri de terreur et s'élancent vers le désespéré. Pendant que Jean le maîtrise, Mamita elle-même le regarde avec une douceur et une pitié infinie. « Harry, » lui dit Jean d'une voix chaude et vibrante, « Harry, écoutez-moi. Je voulais affirmer déjà, les fils doivent être et sont innocents des fautes de leurs parents. J'oublie tout, moi qui seul, peut-être, pourrais me souvenir. Harry, je vous ai offert mon amitié, vous l'avez, entière, profonde, inaltérable, et d'autant plus grande que vous souffrez. Bien cela, Jean, s'écrie Don Blas, pendant que Juana contemple avec orgueil son fiancé. Harry voit ses mains tendues vers lui, ses visages amis où se reflète une ardente sympathie, et garde un silence farouche. On sent néanmoins que sa volonté fléchit. Et puis, continue Jean, vous n'avez pas le droit de disposer en ce moment de votre vie. Nous sommes en péril. Tous, nous avons besoin de votre vigueur et de votre intrépidité. Mourir volontairement devant le danger commun serait une désertion. Harry, jurez-moi que vous n'attenterez pas à votre existence. Jurez-le-moi, je vous en supplie. Jean, Tonio, je vous le jure. À ce moment, une détonation épouvantable retentit. La montagne aussi comme si elle allait s'effondrer. Un craquement immense, un bruit d'écroulement succède à l'explosion. Les fugitifs, assourdis, se cramponnent, titubant les uns aux autres et se regardent atterrés. Jean de Fer s'élance vers la porte qui donne sur la crypte et pousse un cri de rage et de stupeur. Il y a dans la muraille une brèche mesurant près de 10 mètres. L'immense édifice est littéralement éventré. Par cette brèche, on aperçoit un pan de ciel, vite obscurci par des tourbillons de fumée blanche. Puis, des cris furieux éclatent. Des cris de bandits, flairant la curée prochaine, la curée de sang et d'or.